t'en es de moi, je ne le saurais pas. Allez faire rond de jambes, je ne suis pas sportif. La joue est tôt, la planche, chez moi c'est instinctif. Je ne suis pas un romantique. Je ne suis pas un romantique. Ça n'est pas normal, je ne réagis pas de la bonne façon quand je vais au cinéma. Des larmes faciles, étranglées de bonheur. Nos deux héros ne voient plus ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas un romantique. Je ne suis pas un romantique. En sentiment, pas de politique. Nicole a pour prier les deux parties opposées. Utilise le strass qui pour un instant efface les traits de caractère, d'où devient linéaire. C'est la tactique de guerre des pros de l'adultère. Je ne suis pas un romantique. Je ne suis pas un romantique. Qu'est-ce qu'il a fait rester? Je suis encore à me le demander. Tous mes défauts, elle les connaît par cœur. Et ils sont plutôt nombreux sans vouloir mettre la teur. Je ne suis pas un romantique. Je ne suis pas un romantique. Je ne suis pas je ne suis pas romantique. Je ne suis pas, non, non, non, un romantique. Je ne suis pas, non, non, non, un romantique. Je ne suis pas, non, non, non, un romantique. Je ne suis pas, non, non, non. Pas de politique. Merci.